2, 3, 4, vérité. Ouais, c'est mes 4 vérités. Sur ma vérité, ce CD, c'est comme mon bébé. Ça vaut bien plus que n'importe quel CV. Car l'argent fait pas la gloire, mais juste des stars d'un soir qui plus tard n'auront pas de place dans l'histoire. Sur ma vérité, ce CD, c'est comme un CV que je vais céder pour qu'on puisse m'écouter. Mes idées à faire passer en toute sincérité, c'est décidé, je te dis 2, 3, 4 vérités. Sur ma vérité, c'est que ma vie a été marquée. Prends la tienne, tu vas très vite leur marquer. Des femmes et des potes, et je t'en passe plein de moments, putain. Mec, le temps passe. Sur ma vérité, je dis merci à ceux derrière. Toutes ces personnes où t'es rien sans se faire. Pas ceux qui te ramènent de sales affaires. Tant qu'à faire, je garde juste ceux qui me sont chers. Sur ma vérité, fier d'être, je l'espère. Ce petit frère, ton bout d'être qui te respecte. Ma sorcine morale n'est pas au maximal. Que des trucs vont mal. Sache que je serai toujours hal. Sur ma vérité, j'irai pas par quatre chemins. Derrière ces grandes joies se cache un humain. Puis la vérité, c'est que je sais pas tout. Les vérités des fois vaut mieux l'éviter quand elle n'est pas méritée. Sur ma vérité, ce CD, c'est comme mon bébé. Ça vaut bien plus que n'importe quel CV. Car l'argent fait pas la gloire, mais juste des stars d'un soir qui plus tard n'auront pas de place dans l'histoire. Sur ma vérité, ce CD, c'est comme un CV que je vais céder pour qu'on puisse m'écouter. Mes idées à faire passer en toute sincérité, c'est décidé, je te dis 2, 3, 4 vérités. Sur ma vérité, je dis sur qui compter. Ceux qui te mettent bien sans arrière-pensée. Pas de cadeau à m'offrir, c'est la vérité. Quoi de plus beau qu'une simple sincérité. Sur ma vérité, comme toi y'a du mal-être. Ça se ressent dans toutes mes maquettes. C'est parce que la vie m'a fait perdre ma tête. Aujourd'hui je m'apprête à me mettre en tête. Sur ma vérité, je veux juste prendre ma revanche. Pour ça je reste droit et jamais je ne flanche. Peu importe que tu pourras dire, je suis si fier. Quand j'aime, j'aime, j'accompagne vers la civière. Sur ma vérité, je lâche pas comme ma. Sauf pour des trucs sales. Mené par des connasses, pas peur d'affronter la vérité qui peut m'irriter. Puis je mériterai de tout savoir, alors je m'imiterai. Sur ma vérité, ce CD, c'est comme mon bébé. Ça vaut bien plus que n'importe quel CV. Car l'argent fait pas la gloire, mais juste des stars d'un soir qui plus tard n'auront pas de place dans l'histoire. Sur ma vérité, ce CD, c'est comme un CV que je vais céder pour qu'on puisse m'écouter. Mes idées à faire passer en toute sincérité, c'est décidé, je te dis 2, 3, 4 vérités.